Donc on donnera des informations pour la suite. Je pense que le nombre qu'on est aujourd'hui, moi je trouve que déjà c'est... Enfin, je trouve ça chouette ce premier rassemblement, et je pense qu'on a moyen de, autour de nous, de battre le rappel pour aller demander un service public de qualité pour le 16 juin, que cet appel il soit unitaire, non seulement pour la santé, mais de façon aussi plus large, pour de la défense de l'amélioration des services publics et une meilleure qualité de vie pour les gens. Quoi. En profitant, je pense qu'au nombre qu'on est aujourd'hui, on peut peut-être aller faire un petit tour aussi à se rappeler à notre directeur, M. Vincenzotti. Oui. Donc je vous propose de rentrer par grappe de 8. On respecte bien les distances, les mesures gestes barrières et mesures de sécurité. Oui, offert à l'hôpital, paradis fiscal. Offert à l'hôpital. Offert à l'hôpital. Ça ne vous empêche pas de crier. Moi, j'ai pas de fixe. Mon pire, c'est mon assurance. Non, non, non, à la répression. Oui, oui, oui, aux ouvertures de lits. Non, non, non, à la répression. Oui, oui, oui, aux ouvertures de lits. Non, non, non, à la répression. Oui, oui, oui, aux ouvertures de lits. On veut une vraie direction, on veut pas de répression. Des moyens pour soigner, pas pour enfermer. Des moyens pour soigner, pas pour enfermer. Des moyens pour soigner, pas pour enfermer. Des moyens pour soigner, pas pour enfermer. Des moyens pour soigner, pas pour enfermer. Des moyens pour soigner. Pas pour enfermer.